Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. C'est le rodéo de Saint-Ludger-de-Milo en fin de semaine et on va parler avec la présidente du rodéo, Geneviève Sirois, pour parler un peu de cette édition-là qui gagne de plus en plus en popularité. Évidemment, le rodéo, c'est très, très populaire. On en parle avec Geneviève. Salut Geneviève! Bonjour. Geneviève, évidemment, lorsqu'on parle de rodéo, lorsqu'on parle de country, il y a vraiment une clientèle déjà établie. Là. Je pense entre autres au festival country de anciennement Sénéon, La Brique, et c'est vraiment très très couru. Donc, j'imagine que pour vous à Saint-Louis-Milo, ça doit être de plus en plus facile de trouver des gens. Là. Oui, on fait un petit peu de publicité, puis les gens ils viennent de plus en plus en grand nombre, je te dirais, là, puis on est de plus en plus connus également. Là. OK. Là, il y a le Festival Western de Saint-Tite qui s'en vient, puis je pense, une fois que je me trompe, mais ça ne sert pas de qualification, votre épreuve en fin de semaine, pour le... Oui. Oui, hein? Oui, exactement. C'est la dernière, si je ne me trompe pas, qualification pour le Festival de Saint-Tite. OK. Donc, j'imagine que ça doit vous aider aussi à recruter du monde. Oui, absolument. Il y a beaucoup de coureurs qui viennent s'inscrire parce que c'est sûr que Saint-Tite, là, c'est quand même gros, donc ils veulent passer là par nous pour se rendre jusque-là. OK. Comment ça va fonctionner? Comment quatre catégories? C'est une bonne question. Écoute, je sais que les inscriptions sont samedi matin. OK. Puis on attend à peu près en 150-170 compétiteurs. C'est-tu comparable à l'année passée du côté? C'est-tu où ça se ressemble? Oui, c'est pas mal semblable à l'année passée. OK. Dites-moi, le rodéo de Saint-Louis-Milo, est-ce que vous avez... Parce qu'on a entendu par les médias à travers les branches que, bon, il y avait des gens qui... la cruauté envers les animaux, qui faisaient des pressions pour qu'il n'y ait plus de rodéo, et ainsi de suite. Est-ce qu'on est rendu ce dossier-là? Est-ce que vous avez eu des nouvelles un peu? Nous, on n'a pas eu de suivi sur ce dossier-là. Là. Okay. Mais moi, ce que je peux voir, là, c'est que les animaux là, sont très bien. Il n'y a aucune cruauté animale là. Ils sont bien entretenus. Ils ont des bons toits, ils sont nourris. Moi, j'ai rien vu, en tout cas, là, qui pourrait accrocher là, sur la cruauté animale. OK. Si on vient à la compétition maintenant, donc ça commence samedi matin, vous venez de nous le dire, est-ce qu'il y a plusieurs compétitions, mais j'imagine qu'autour de ça, il va y avoir bien des festivités aussi. Là. Oui, en plus de la compétition qui commence justement à 10h samedi matin, bien, on a de l'animation avec de la musique au courant de la journée, le samedi et le dimanche. Ouais. Ensuite, on a Andy Bucat en spectacle demain soir qui vient avec son band nous faire ses succès. Okay. Et samedi, c'est de l'animation en soirée avec Zélo Musique. Okay. Notre fameux souper Michoui au coût de 30 $ par personne le samedi soir. Okay. Puis on a notre grand tirage. On a, cette année, ce qui est la grande nouveauté, c'est que les entrées sont gratuites là, pour tous les accès. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tirer on a vendu des billets de tirage avec de superbes prix. Donc, les grands tirages vont se faire le samedi à 19h. OK. Et ces billets-là qu'on vend en coût de 10 $, on va les vendre jusqu'au samedi soir. Donc, sur le site, les gens vont pouvoir s'en procurer également. OK. Et le dimanche, ben, on a en après-midi Nicolas Chiconnet à 13h là, sous le grand chapiteau. Ah, c'est bon ça. C'est quand même très, très bon. Donc, c'est une belle brochette d'invités, c'est une belle brochette. Et donc, ça commence. C'est où à Saint-Louis-Milo? Est-ce que c'est l'ancien terrain de Ballante? Est-ce que les installations sont là? Les installations de la Ballante, c'est pour accueillir les riders, les coureurs okay. et les autres campings. Puis les installations, c'est vraiment sur le site du chalet récréatif. Ah, OK. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. À la plage. OK. Oui. OK. Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances, Mme Sirois, pour le plaisir de se parler. Ben, merci beaucoup. La présidente du rodéo de Saint-Louis-de-Milo, Geneviève Sirois.